C'était donc ça, la frangine? Celle qu'on ne voulait pas regarder pour éviter de devenir comme elle. Celle qu'on voyait arriver, tendance, mur d'usine fagotée. Celle à qui on ne voulait parler, celle que tout choquait, qui lisait dans les pensées de l'autre les impuretés et les réprimait d'un air résigné face à la bestialité de l'humain. Outrée par le contenu inimaginable du crâne des autres, peinée qu'on puisse avoir de telles pensées face à elle. Celle qui connaissait vos sujets de prédilection mieux que vous et vous ridiculisait d'une sentence en société. Celle qu'on ne voulait pas regarder, celle à qui on ne voulait parler, celle qui n'existait que pour vous rappeler le côté obscur de la force. Celle sur qui j'ai envie de me jeter, celle qui flatte nos désirs animaux de viol, de violence, celle qu'on a envie d'avoir près de soi pour l'attraper par les deux bras et lui faire faire le tour. Et puis on a envie de lui parler, de l'écouter, de ne jamais s'arrêter. Tiens, déjà un amateur. Je t'aime.